J'ai un petit peu tout oublié, les disciplines que j'étudiais, bien trop fourmis, si peu cigales. Tout ça pour gagner mon casse-dalle quand je dis que je vais travailler. C'est pas pour faire un grand métier, pas du Vinci, pas du Pascal, rien que des additions banales. Les théorèmes que l'on professe pour que l'humanité progresse. J'ai un petit peu tout oublié. J'ai un petit peu tout oublié, les histoires que je m'inventais, de cœurs vaillants, de grands héros. Les grosses bêtises pour de faux quand je dis que je vais raconter des choses qui vont vous épater. C'est pas Jules Verne, pas Edgar Poe, mais des brèves lues dans les journaux. L'imagination, les prouesses, la fantaisie enchanteresse. J'ai un petit peu tout oublié. J'ai un petit peu tout oublié, mes songes d'amour chavirés, quand le cœur enfle et se sabote. À trop se donner les chocottes quand je dis que je suis dévoré. C'est pas de passion enflammée, pas Cyrano, pas Don Quichotte, juste le fil des jours qui me boulotte. Les beaux élans du cœur en liesse, les mots d'amour, les nuits d'ivresse. J'ai un petit peu tout oublié. Un petit peu tout oublié, mes envies folles de chambarder, tout pétri de rage et de spleen. Cette société bête et mesquine quand je dis que je vais me révolter. C'est pas le grand soir revisité, pas Zapata, pas Bakounine, juste une décharge d'adrénaline. L'injustice, le mépris qui blesse, les bafoués que le monde délaisse. J'ai un petit peu tout oublié. J'ai un petit peu tout oublié, la ligne de crête bien ciselée qui chatouille les ailes des oiseaux, et le vent, et la terre, et l'eau quand je dis que je vais enjamber les mers, les cimes et les vallées. C'est pas Paul-Émile, pas Vasco, juste quelques pas dans le ruisseau. Les horizons pleins de promesses, les poumons gonflés d'allégresse. J'ai un petit peu tout oublié.